vraiment. Parce que les mecs aujourd'hui qui font du rap et qui vendent, quand tu vends des CD, pour moi, hein, personnellement, quand tu vends beaucoup de CD, quand tu vends beaucoup de CD, que tu casses des disques d'or, tout ça, frérot, pour moi, t'as pas le temps d'être un thug. Parce que un thug, c'est un mec qui peut être ouvert à casser des têtes. Ok? Et si tu si t'es un thug et que tu casses des têtes, tu peux te faire casser la bouche. Or, si ta bouche, elle te sert à vendre des CD de disques d'or, crois-moi que tu vas réfléchir à deux fois avant de casser un tête. Alors qu'un mec qui vend pas, mec qui vend rien, il s'en bat les couilles. T'as des un MHD, mec qui rappe, la rue comme il l'a connu. Il tue des gens, rien, frère. RTZ. Frère, il s'en bat les couilles. RTZ, t'as des MHD, le boug, il est bien là où il est. 60 piges. Et il se retrouve dans des... Après, ça, c'est le problème du quartier, c'est autre chose. C'est toi et l'appartenance au quartier. Tu vois, si quand t'as réussi, que les mecs de ton quartier disent gros, te mêle pas, t'es un mec qui a réussi, t'es considéré en tant qu'artiste, pas en tant que voyou. Si toi, tu veux faire le. Excusez-moi, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent Free MHD, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Le mec, ils ont tué, ils ont mis des coups de couteau à des gens, tout ça, arrêtez de dire n'importe quoi. Donc, si quand t'as réussi, Dieu, il t'a donné la force pour faire de l'argent. T'étais livreur de pizza, maintenant tu vends tu fais des millions avec ton rap. Si toi, tu chies sur ce que Dieu t'a donné, ça te regarde. C'est toi et Dieu. Mais ne te plains pas. Donc, soit t'es dans la musique, soit t'es artiste, soit t'es dans la rue. Pour moi, ouais. Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'artistes. Soit t'es dans la musique, mais c'est moi, je suis d'accord avec vous. Par exemple, si on parle d'un gars comme Niska, MHD. Ah ouais. Ouais. Mais après, t'as des rappeurs, par exemple, tu vois, comme 13 Blocs en Scred, ils vont sortir des trucs très très propres. Ils sont entre deux. Mais ils sont pas là à vendre, mais ils font des millions de vues. Tu vois ce que je veux dire? 13 Blocs, c'est des mecs, frère. Ils ont mangé la rue. Et là, au lieu de se dire, ouais, on va faire ça bien. On va rapper, on va voir ce que ça donne. Et au retour de ce qu'ils font, ils cassent des grosses ventes, tout ça. Et je suis très content pour eux. Parce qu'au moins, c'est des mecs de la rue qui rappent la rue aujourd'hui. C'est pas des mecs qui font crari, qui n'ont jamais rien connu, mais qui sont là à venir te donner des leçons, que ce soit en business ou dans la vie, alors qu'ils n'ont jamais rien connu. Et pour citer un très célèbre rappeur, poète contemporain, si dans 3 mois, je n'ai pas percé, je retourne vendre de la C. Voilà. Koba Ladé. Merci. Ah, t'es l'intelligence sur même. Non, je peux le décortiquer, mais c'est de la merde, quoi. Qu'est-ce que je te dis? T'es un fou. Donc là. T'es un fou. Là, du coup, parce que j'ai pas regardé là. Ah, il est 0R. Il est 0R. On est déjà 0R22. Il est 0R. Donc, pour finir, que pensez-vous de l'évolution du rap? Vas-y, Eddy, réponds. Positive, négative, chacun pense ce qu'il veut. Ça, on dirait qu'on a parlé pour rien. Bon, vas-y, je vais répondre. Ouais. Ça fait une demi-heure, il se crie dessus, tout ça. Ah, t'as pas l'impression que ça se servira. C'est pour ça que les gens nous aiment. Big up aux auditeurs qui viennent nous rejoindre chaque semaine de plus en plus nombreux. Je répondrai à ta question par une question. C'est l'évolution de la société et pas du rap. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est de la merde. Mais non, tu peux pas dire ça. On lance un autre débat. Allez, c'est parti jusqu'à 2h. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est bizarre parce que à l'époque. Je t'ai dit quoi là? Attends, Judes. Rizzo. Il est R, il est R. Tu sais, la dernière fois, on avait parlé déjà débat PNL, tout ça. Tu te rappelles de ce que je t'avais dit sur le rap? Tu te rappelles pas? Vas-y, rappelle-lui. J'arrive toujours pas à faire tourner mon stylo autour de mon dos. Ils ont pas les couilles de ce que je raconte. Eh, c'est grave, Non, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit juste le rap, il est mort, poteau. Tu sais, le rap, il est fini. Ouais, le rap, alors, juste que les gens, ils comprennent de pas. Ce qu'on connaît. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que t'as le hip-hop. Le hip-hop. Et le rap. Et le rap, c'est pas pareil. Et le rap, c'est un courant du hip-hop. Tu vois ou pas? Merci, le hip-hop, il continue, mais le rap, il est foutu. Le rap à la base. L'erreur qu'on fait en France, c'est d'appeler le hip-hop rap. Et on est d'accord. Tu vois voilà, ou pas? Merci. Parce que dans le hip-hop, t'as plusieurs courants. Tu vas trouver la trap, tu vas trouver le rap. T'as tout résumé. C'est vrai, c'est vrai. Je finis avec Edinho et je valide totalement ce qu'il a dit. Voilà, au niveau du. Il y a une mouvance, c'est le hip-hop. Mais à l'intérieur du hip-hop, il y a de la brebis galeuse. Pardon. Comme elle disait Tudo, la trappe c'est un piège. Non mais rigole pas, Tudo il aurait dû être là ce soir, gros big up à mon ref. Il aurait dû être m'a là. Dit quoi, il m'a là dit... frère, laisse tomber. Non pour de vrai, il m'a dit quoi? Il m'a dit, trappe ça veut dire piège. La trappe c'est un piège. Gros big up à mon Tudo et gros big up à tous les auditeurs qui nous suivent chaque soir, chaque semaine sur la 25e. Ok, gros big up à vous. Donc ce soir, pour finir, l'évolution du rap, qui en pense quoi? Ah, ça y est, c'est bon, c'est bon. Dignio, ça y est, il est parti. Ça y est, c'est le vaisseau. Et toi, t'en penses quoi? Conclue, toi, t'en penses quoi? Frérot, moi, personnellement, c'est mon truc, j'ai pas d'avis à donner, ouais, même si depuis tout à l'heure j'ouvre ma gueule. Même si depuis tout à l'heure j'ouvre ma gueule. Non, personnellement, en étant un mec de 80, j'ai vu une évolution du rap, il y a des trucs positifs autant que négatifs. Peu importe. Dans l'évolution du rap, il y a du positif comme du négatif. Après, à chacun de prendre ce que lui, il pense, qui lui apporte quelque chose. Parce que quand on écoute de la musique à la base, c'est pour que ça nous apporte quelque chose. Chacun sa façon de gérer les choses, de voir la vie d'une manière. Il y a des vies difficiles, il y a des vies plus faciles, peu importe. La musique, ça apporte un truc qui t'apporte quelque chose. Donc, à chacun de voir ce qu'il pense de l'évolution du rap à l'heure qu'il est. Mais attends, là je vais. Après on arrête. Mais le rap français en Scred, il a été niqué par Skyrock. Bah le rap français a été baisé Skyrock, parce que. Ouais, mais on dit pas de nom de radio, on est une radio, on peut pas dire de nom de radio. On dira Laurent Bounot. Ouais, il a été niqué par Laurent Bounot parce qu'il voulait un certain calibrage pour passer en radio. Ouais, et puis aujourd'hui, parce que du commercial, parce que c'est interdit aux moins de 14 ans, parce qu'il veut bouffer, et puis voilà. Tout à l'heure, j'ai allumé ma voiture, je suis tombé sur un son de Black M. Ça s'appelait. Black M, il fait du rap qui pourrait passer sur Cartoon Network. C'est du rap de gamin. Ça peut partir. Moi, je sais que quand j'aurai un gosse, il sera à la maternelle, je mettrai Soprano. Au primaire, je mettrai Black M. Après, il écoutera ce qu'il voudra. Je préfère lui mettre Francis Cabrel. Franchement, je préfère lui mettre Francis Cabrel que tous ces mecs-là. Non, mais t'as compris ce que je veux dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, on n'est pas là à citer d'autres radios. Mais bon, si les mecs de Skyrock ils sont pas contents, ils peuvent toujours passer. Il n'y a pas de problème. Non, voilà, donc c'était la petite chronique à Jojo sur l'émission La 25e. Gros big up à Junes, gros big up à Chao, gros big up à mon gars Edinho, toujours présent ce soir. Gros big up à Kirikou qui était là ce soir. Allez suivre le petit frère, il est honnête, il dit les choses comme il faut. Et au mois prochain pour la prochaine chronique. Bonne soirée à tous les auditeurs, merci beaucoup. Salam alaikum. Salat de l'oukoum. La 25e, on rend l'antenne. Merci à Kirikou pour l'émission spéciale en première heure. On était là avec Junes, Edinho, Rizzo, il y a Dizda qui est arrivé, il y a Bambino, il y avait toute l'équipe quoi. Bon, on vous laisse. Demain matin, on se réveille comme d'hab avec le poteau Abdel pour la matinale, tu connais. Et puis, je vous souhaiterai un bon week-end à tous, sous la pluie, sous le soleil. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bonne soirée sur Radio Sud, radiosud.net, 101.8. Yes. Bitch, ridiculous. In the club looking so conspicuous. And wow, these women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinkies valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and Ursh, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed. They say, Sure, got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take